arrive à faire un chandail. Toutes ces femmes qui disent aimantes, toutes ces femmes qui se disent aimantes et qui ne le sont guère. Dans ces contradictions, dans sa putain d'addiction, au fond de sa boisson, elle, le poison, espère encore la vie toujours dans les insomnies. Espère, elle se perd dans les conventions. Dans cette condition, à croire en l'avenir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Espère, espère, ma pauvre. Oh, espère. Oh, dérive, dérive, dérive, mon pauvre amour. Moins pire, moins pire. J'ai bien essayé de t'aider, même avec moi tu cries au secours. Au secours, je ne sais pas comment faire t'aimer à part. Se noyer dans la foule. Enfin d'éviter les regrets. Je n'ai plus ce que tu voulais. Ton amour au filet. Smash. Puis je courbais le dos quand tu me frappes. Les cartes ont été mal distribuées comme deux enfants qui jouaient dans la cour. Que des malédictions. Des militaires sont venus tuer, sans raison en fait, pour faire court, juste tuer, car c'est leur métier. Mais au fond, ont-ils des remords? même pas de regrets. Des militaires qui vont tuer des enfants dans la cour, des regrets. Même pas des remords, sans doute même pas. Et puis. Sous des arches l'immunité, l'impunité. Des regrets, c'est leur métier.